qui attise, faire qui a par une femme, c'est rare. Elle va éviter le milieu carcéral et toutes ces meufs qui se disent classe et rap. J'ai la tondeuse mais qui est prête pour le crâne Zera. Et tous ces petits pédés qui ne savent pas péra. Le rap est-il devenu ingérable? Je suis pas un des rares MC à s'en plaindre. Je rêve d'une maison avec 5 terrasses, mais dans l'impéra. J'active le flow interactif avant que le train déraille. Sniff un simple rail, t'inquiète c'est de la pure cam. Et quel major dira que l'un des rames? Grâce à internet tu vaux un dirham. Et c'est pas la rue qui nous grandira. Je vois plus haut que les grands giras. Mon avenir c'est pas la zip mais plutôt tu te repentiras. Avis à tous les internautes, tous ces faux hommes qui se la racontent sur les forums. Niquez vos rums, c'est ça le but. Veux niquer ta carrière, c'est ça le but. Je nique leur mère derrière un arbuste. Je fais tourner mon hymne en harmonie et toi petite baltrin. Tu laisses des messages en anonyme. Je fais pas de délit, j'emploie des mots de jeunes. J'encule tous ces putains de racistes sur Dailymotion. Skyblog, MySpace, voilà où tous les traits opèrent. Viens me voir en tête à tête, moi je te niquerai ton père. Je suis sur la corde raide. Un gros doigt dans le cul à ceux qui demandent de l'argent pour leur propre de mer. Des amis, y'a que sur MySpace que j'en ai. Certains ont des boules, d'autres ont deux petits cochonnets. En gros, je vous baisse, les internautes. Fallait que je vous mette à l'info, comme Jean-Pierre Pernaut. La source, ma cul, je suis Carlou, je mets des barlouses. Dans ma res, j'agis sur le terre-terre, sur la picouse. Hey, cous, si tu veux, je pourrais t'enterrer. Je peux pas blairer de voir 4 fois le chat à la télé. Mes acolytes veulent tous tirer, si tu crois que tu vas t'en tirer. Un gars chez toi peut t'enterrer, je suis pas la pétasse qui parle et qui dit. Moi, je suis ça, enchanté, c'est mon cacalache, moi je le dis. J'ai le seum, tout pour tuer, c'est mon coup, on vous a dit. Fermez-la, on vit tous pour la même cause, c'est de fuck cet état. Je représente jusqu'à la mort, moi dans la rue, je suis vandale. Jamais fait d'hôpital, jamais eu de blessure grave. Jusque quelques froissures sur des bolos qui l'ont ouvert. Même si déterminé, je suis pas à toi dans la street, tu trop bien couvert. Pas comme toi, le cul ouvert. 9-1-7-5, c'est la connection de la street. Alors garde l'œil ouvert. Pas besoin d'une grosse paire de couilles, en une paire de coups. FK plus de classe et qui sert le coup. Celui qui nous teste, on lui casse le cou. Bouge la tête comme un coq, on est qu'en face. Pas besoin d'une grosse paire de couilles, en une paire de coups. FK plus de classe et Mouka le cou. Celui qui nous teste, on lui casse le cou. Bouge la tête comme un coq, on est qu'en face de poule. On est qu'en face de poule. On est en face de vous. Celui qui cherche, il trouve. FK plus de classe. Mouka Kalash. Kiserovitch.